Hallyday, magie de Noël, enregistré par Sabine avec l'aimable autorisation de l'auteur. 2 ans et demi, le petit dernier de la maison vient de se réveiller. Tout le monde dort encore, mais hier, on lui a de nouveau parlé du Père Noël. Le sapin était installé, et c'est lui qui, porté et aidé par papa, a posé la grande étoile tout en haut. Il est resté assis un bon moment à contempler le bel arbre, brillant de ses guirlandes et de ses décors. Ensuite, il a aidé maman à installer la crèche. Elle lui racontait l'histoire au fur et à mesure qu'elle sortait les personnages de leur emballage. Il n'a pas tout compris, mais c'était une belle histoire. Et puis, il a dîné et au lit. Mais ce matin, bien réveillé, il veut à nouveau voir le sapin. Alors il s'accroche au barreau de son lit, passe au-dessus et se laisse glisser. Sa couche et le tapis amortissent le choc, puis il se rend dans la salle à manger. La veilleuse près de la crèche l'éclaire suffisamment pour qu'il contemple à nouveau ce beau sapin qui embaume la pièce. Il prend le petit Jésus dans ses mains. Hier déjà, il voulait dormir avec lui, mais maman n'était pas d'accord. Maintenant, il se tourne vers la maman de Jésus et lui dit, avec ses mots à lui, qu'il va bientôt reposer son bébé dans son berceau de paille, qu'il veut juste le câliner un peu. Et il chantonne doucement en le berçant, puis le dépose bien à sa place. Il discute avec les santons, et ses petits mots, que seuls peuvent comprendre, sont dits tout doucement pour ne pas réveiller papa et maman. Il vient juste de remarquer les jolis papiers colorés au pied du sapin. Il se dirige vers eux et regarde les étoiles et le Père Noël dans son traîneau, tiré par les rennes qui volent dans le ciel. Le Père Noël a une grande barbe blanche et il sourit. Il essaye de l'attraper, mais le papier ne veut pas venir. Il s'assoit devant et lui raconte l'histoire du petit Jésus. À ce moment-là, maman arrive dans la pièce et regarde son petit bonhomme zozoté. « Maman de Jésus !» devant les cadeaux. La suite est incompréhensible, mais elle sourit à son petit et le câline. C'est au tour de papa de rejoindre ses deux amours, et il demande. « Dis, maman, on a le droit d'ouvrir les cadeaux ?» Et il l'embrasse, puis il prend son fils dans ses bras, l'élève au ciel et lui dit. « Et toi, mon fils, tu veux ouvrir ton cadeau ?» Papa est impatient de faire plaisir. Il tend à maman le plus petit paquet et à son fils un paquet plus gros. Il l'aide à ouvrir le papier pour découvrir le nounours caché à l'intérieur. Bébé est aux anges et sourit à papa et maman qui, à leur tour, découvrent leur cadeau. Le jour se lève et un rayon de soleil éclaire ce charmant tableau.